studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les Palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 10 décembre au 6 janvier 2013. J'aurais pu dire période, ça aurait fait pas mal mieux. Alors, en fait, c'est le dernier palmarès régulier de l'année 2012. La semaine prochaine, ce sera la compilation C'était fou en 2012. Donc, qu'est-ce qu'on a comme nouvelle entrée aujourd'hui? On en a quatre gros ménés, Willie Byrne, Machine Gun Suzy et Hey Rosetta. On va les entendre dans quelques minutes et on va savoir d'ici la fin de l'émission si nos numéros sont toujours du côté francophone. Yann Perrault avec Acrobat de l'éternité et en anglo The Vaccines avec No Hope. Voilà. J'ai oublié de dire que moi, c'est Mathieu Plante et qu'Alexandra Carignan s'en vient dans quelques minutes. Je pense que ça vaut la peine d'être dit. Elle va être avec nous pour l'émission tout à l'heure. On n'a pas de chroniqueur, par contre. Donc voilà. Commençons avec les 20e places du côté anglophone. Hey Rosetta avec le premier extrait de leur maxi A Cup of Kindness Yet. Ça s'appelle Carry Me Home. On débute avec une nouvelle entrée et en fait un nouveau groupe que j'ai jamais entendu avant. Ou en tout cas, officiellement dans les palmarès, jamais. Willie Byrne et leur maxi Psychanalyse numéro 9. C'est d'ailleurs le titre de l'extrait qu'on s'en va entendre à l'instant. 89 FM, c'est les Palmarès C'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Oh oui, oh oui. Combien de rencontres en mer

Sometimes I thought you'd take a shit at the door. It came on out like that alcoholic. I must have seen it come from some time home. I think about the black hole shit. There's something on the last word that you show. Because it's going on, it's on New Year's Day. And then it's just when it's all killed for. Well, if you heard about someone who needs shit, she really didn't want to leave the bed. Cause if I'm headed on to fuck off, nouvelle entrée.

di la la di la la di la fée. Numéro 18. 17. Avec Speed, The Collapse, position stable en 17e anglophone, avant de sauter par-dessus la 17e franco. La 17e franco qui était Peter Peter et Carousel. C'est vrai ça? Oui. Ça fait comme 20 minutes qu'on n'a pas parlé en nom. Et de, regarde ça! Collez de bits de moi! 500 gagnés! Oui! Okay. Avant ça, bienvenue d'ailleurs. Merci, merci. Félicitations. 18e place anglophone, on a entendu Bears of Legend avec The Mornings I Have Let You Down qui monte de deux places et qui était nouvelle la semaine passée. Et on a débuté ce bloc musical avec un trio, il l'a dit, la fille au numéro 18, francophone. La fille, non? Michel Louvain pourrait la faire. Oui, c'est bon, oui. Non? Comment t'as dit ça? T'imites quoi, là? Je t'imite en parlant. Ah, merci. Je pense que t'imites un koala. Un koala, oui! Un koala le bout! OK. Position numéro 16, côté anglophone, ce sera Mother Mother avec Bit by Bit qui descend de 3 places. Mais tout d'abord, on va aller entendre le séduisant Bernard Adamus avec Entre ici puis chez vous. Hop! Bam! Fends-moi ça! Bernard, Bernie Burn! Let's burn the floor! Bon matin pour Québec, tout à la bain. Jusqu'à temps qu'à sortir 138, on pogne flat sur le bord de la vin. Un John Duran à droite pis l'horizon dans un coin. Garde-moi les dingues qui fourrent le chien qui pompe pis sac à deux mains. Oh ben gadon, y'a plus de space, si demain y'a repart, on est bon. Les

be a little slicker for the rain. Maybe just a good book and a heart to break. I'll make a mistress of a little wicked thing. Bit by bit, I'm gonna get my bricks out in the sticks. Bit by bit, I'm gonna build my house in the wildest thickets. I'm gonna get away from all those miles and my shit. I'm gonna say goodbye to all the la-di-da-di-da-di-da-di-da. Mother, Mother et Bit by Bit descend de 3 places en 16e anglophone. Et là, les gens ne sont pas capables, depuis que j'ai fait la blague de Bit par Bit, de ne pas l'entendre chanter Bit par Bit. Apparemment, c'est ce que j'entends. T'es tellement enfantin, Mathieu. J'ai une mauvaise influence sur tout le monde. Hein? Clairement. Clairement. Bon. Qu'est-ce qu'on a entendu avant ça? Avant ça, on a entendu Bernard Adamus avec « Entre ici, puis chez vous » au numéro 16, qui est en hausse d'une position puisqu'il était au numéro 17 la semaine dernière. Exactement. En 15e place, on va entendre « The Darkness » avec « Nothing's Gonna Stop Us » qui descend de la 8e place. Mais tout d'abord, on va aller entendre « Audionaut » et « La tête ailleurs » qui monte de 3 maintenant en 15e place. Et restez là parce que tantôt, notre seul contenu autre que de la musique dans l'émission d'aujourd'hui, les instants classiques d'Assemblage requis s'en viennent. Oh là là! Excitant, ça? Ouais, oui. Tu sais, on se dit les vraies affaires, là. C'est hot en tabarnouche, là. Pourquoi tu joues pas? Ah, parce que c'est un MP3, puis il est sur l'autre bord. Je regardais pas bonne place. Audio d'autre. C'est ça. Ça passe complètement... on the fly! Ça paraît même pas. Ben non. Je numéro 15. I am no messenger, but I will give you a message. A message of death. When it's cycling through the city at night, and it goes to beat the promise of love. I got my fingers greasing and you didn't care. I was fixing your shade while you're fixing your hair. Sauf le fait que c'est la dernière émission régulière de la saison. Oh. Ah, non, t'as arrêté. The Darkness. Oui, t'as arrêté parce que c'est ça. Hein? Ça n'avait plus de fin. Hein? The Darkness et Nothing's Gonna Stop Us. Position numéro 15 qui descend de la 8e. Et juste avant, Audionautes avec La Tête Ailleurs au numéro 15, montée de 3. Mm-hmm. On va terminer presque la première heure. On a le temps encore pour les positions numéro 14. Du côté anglophone, The Gaslight Anthem et Here Comes My Man qui monte de 4 et qui était nouvelle la semaine passée. Et ton coup de cœur musical, Lisa Leblanc avec Motel au numéro 14 en hausse de 1. Ah, coup de cœur, hein? Ouais. Au coup de gueule, c'est comme tu le souhaites. Oh, j'essaie de rimer avec cœur. Ah non, moi j'ai juste décidé de prendre une... Coup de peur? Coup non. De meurtre? Non, non, c'est pas non. Coup de beurre. Coup de beurre. Moi j'avais du cœur. Pas une joke de grosse par contre, ça je voudrais pas. Joke de grosse? Ben coup de beurre, je voulais pas, faut pas faire. Non, mais non, mais attends un peu là. Ben là, voyons. J'ai juste retiré mes paroles avant qu'on m'accuse. C'est l'allégation là. Tu sais, on m'a accusé, hey, tu sais, tu ris d'elle. Des jokes de beurre, c'est pas des jokes de grosse. Ben, des fois, ça peut aller ensemble. Mais là, tu sais, je veux dire, non. C'est ce qu'elle met dans son craft dinner. OK. Oh, laisse donc faire. Pas ta toune. Coup de bas. Lisa Leblanc, au pas barrer, c'est fou. Senteur de clope, tapis orange, détendu. Tâche louche et drap, tâche encore plus louche le plancher. Showerhead qui hang, plus de pression dans la douche. Savon parfumé qui sent les années 80. Mur en bois castor, wallpaper fleuri déchiré. Le ceiling leak depuis une couple d'années. Je me demande comment longtemps que ça fait que les mouches sont sur le plancher. Puis les motels cheap sur le bord du highway. vacances, pis les motels cheap sur le bord du high. Ouais. Oui. Numéro 14. The Gaslight Anthem et Here Comes My Man, position 14, qui monte de 4. Oui, ça devait rentrer la semaine passée, ça. Et juste avant, on a entendu Lisa Leblanc et Motel qui monte d'une place. Voilà pour la première heure des Palmarès. C'est fou. On se retrouve dans quelques minutes, là. Et ça sera pas très, très long. Madame Moustache, les frères Goyette, Tana Georges et Ringo Dead Star vous attendent, ainsi que les meilleurs moments d'assemblage requis dans un instant classique. Restez là. C'est fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. La deuxième heure des Palmarès, c'est fou pour la période du 10 décembre 2012 au 6 janvier 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Et je m'appelle Alexandra Carignan. Tu finis pas ton nom comme j'ai fait, non? Non, moi je fais pas ça. C'est pas très beau, finalement. Non, toujours. Hein, on va se dire, là. Hein? J'ai un petit joke. On commence cette deuxième heure avec les 13e places du côté anglo. Hannah Georges avec Enemies qui monte de une. Ben, on va aller écouter tout d'abord Roméo et Juliette de Madame Moustache. Oh, ben, ben. C'est poilu en haut de la lèvre, ça. Ouais. C'est tout pas mal, c'est fou. Sur le 89 FM. Une fois, je parle pour rien dire, ça. C'est que ce serait différent. Tu me promettais pas la lune. Oui, Lafayette, c'était tentant. Je me sentais vraiment comme quelqu'une. Mais quand t'as vu mon GPS qui pointait pas vers la frontière, tu m'as trouvé un peu BS. T'as laissé ton cœur choir à terre. J'ai vraiment cru à une erreur. Tu m'as dit Montréal, c'était une heure. Je rêvais des soins de Véloxy. Puis y'a même pas de Ralphie chez Manny. Même au galop, tu trottes mon âme. Penses-tu vraiment que je trouve ça quoi? Quand j'embarquais dans ta bande, ouais, c'était pas direction Joliette. Tous les détails étaient scellés. Vous alliez taper un record. T'allais être une reine acclamée. Mais tu ferais pitcher des lingots d'or. Pourquoi t'arrêter de croire en moi? Qui avait tout misé? Je vais te mettre en feu, t'es fait en bois. Y'a pas de roulette à mi-genoux. Mais dans ta tête, oui, ça pédale. Tu cherches des jolies sud secours. Tu vas me rendre au sud comme une cigale. Toi, jolie, être ainsi pour toujours. Même au galop, tu trottes mon âme. Penses-tu vraiment que je trouve seule fois? Quand j'embarquais dans ta barouette, je pensais me sauver un petit peu de fret. Numéro 13. They're gonna take

Ringo Dead Star et Rip, position 12, c'est stable du côté anglophone. Et juste avant ça, on a entendu la magnifique histoire d'amour de Roméo. Non, on a entendu les frères Goyette et Tabac d'orchestre. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Avant, on a entendu en 13e position anglophone Hannah Georges et Enemies qui montent d'une placée avant ça. Et là, on a vraiment entendu l'histoire d'amour de Roméo et Juliette avec Madame Moustache au numéro 13. Là, c'est vrai. Tout à l'heure, 11e, on aura Noël et Crystal Castles. Mais avant ça, on va retourner en arrière un temps soit peu, jusqu'au presque début de la semaine, là, pour aller entendre les meilleurs moments d'assemblage requis. Et devine qui n'est pas là dans celle-là. David Ferron n'est pas là. David Ferron, non, David Ferron, il est dedans. Ah, mais c'est faux qu'il n'est pas là. Oui. Parce que c'est le nouveau papa. Ah, oh, c'est le fun. On en parle sans cesse dans un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 10 décembre 2012. Mardi 11 décembre 2012, je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, ce n'est pas François-Olivier. Non, non, plus, un petit peu plus féminine. Oui, c'est François-Olivier qui s'est fait faire l'ablation de la virilité. Ben, c'est comme ça quand t'as un deuxième enfant. Ouais, c'est ça. faut que tu te fasses opérer. Ouais, il ne reste plus grand-chose après. Là, c'est une femme. C'est deux, c'est assez. Ça devient un couple lesbien. Oui. Après le deuxième enfant. C'est comme ça pour tout le monde. Salut Stéphanie Paradis. Salut Mathieu Plante. C'est la rédactrice en chef du journal Zone Campus. Il est avec nous d'habitude les mercredis aux deux semaines. Mais il est là qu'on a en bonus track le mardi aussi. Ben oui, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que tu fais là? Ben, c'est ce que je me suis demandé un matin. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Stéphanie Paradis, viens là. Je suis fébrile. Ah, ben mets-en pas trop, s'il te plaît, parce que tu vas mettre la barre haute, là. Hein? C'est bon. Honteux. Remets-moi à l'ordre. Mathieu, fouette, fouette. Stéphanie, David, Stéphanie. Ben, enchanté, on s'est déjà vu. Enchanté. Faut vraiment qu'il sort la main, vraiment, oui. Parce que la radio, tu sais. Ben, on a le souci du détail. Oui. Bon. On est des perfectionnistes. Oui, on vous l'avait pas entendu quand on s'est serré la main, non? On n'a pas fait assez fort? Non. Elle m'a cassé deux os de la main. Ah, OK, je pense que c'était visqueux. Non. Oh. David Ferron, donc la langue dans ton oreille. Non, mais c'est toi qui mets du liquide de langue partout, là. Ce qu'on appelle communément de la bave, là. Hein? Du liquide de langue, ça faisait bizarre. Ah, oh, la langue dans ton oreille. Du liquide de langue, j'aime ça. C'est bien confortable comme ça. C'est beau. Ça a l'air moins professionnel. Mouche qui vole. Mouche de la. Merci David. Est-ce que je suis en train de me faire raser les cheveux par que on dirait pas une mousse, une mouche, on dirait un clipper. Un deux, check. One two vérification. Check de banque. Crochet. Un deux. On t'entend Mathieu. On okay, t'entend. Je suis là. Un deux. Hey, c'est le 12 décembre 2012, toi. Le 12. Oui, 12-12, 1-2, comme un militaire, c'est 1-2. Non? Oui, c'est vraiment la première chose à laquelle on pense quand on voit le 12-12-12. Ah ben c'est mon cas. François-Olivier qui est toujours en congé de paternité, oui, congé parental. Toujours père. Toujours père? Oui. Espérons-le pour un maudit bout. Oui. Ben c'est pour lui, je veux dire, il peut faire ce qu'il veut. On ne dira pas quoi faire. Mais non, c'est, il est en congé de paternité. Sa copine a eu un deuxième enfant en fin de semaine. De lui. Souhaitons le. On lui demandait des détails sur comment il a procédé pour se rendre jusque-là. Nous raconter les abeilles et tout ça. C'est vrai, c'est ça que j'allais dire, les abeilles, les choux, cigognes. On voit, il y a des contradictions, là. Hibou, chou, genou, tu vois, ça, c'est une position sexuelle, j'imagine. Ouais. Je suis assez assidu, là, le temps de est-ce que tu me confirmes, Steph? Est-ce que j'ai entendu ubiquité dans la chanson? Oui, il dit ubiquité. Pas mal sûr que c'est ubiquité, hein? Ben, ouais. En fait, moi, ça me buzz un peu parce que je chante la toune, je suis comme ubiquité. Adoubidibé. Exactement. C'est ça. Ceux qui disent que t'es pas supposé avoir de blanc à la radio, là, sont tous dans le tard. Ils ont rien compris à de la bonne radio. C'est ça. Tremblé. Assemblage requis. Achut, parce qu'il se met à chanter directement quand j'appuie sur sa bouche. Je vais appuyer sur sa bouche en studio. Trembler, chante-moi une toune. Blum, blum, blum, blum. Il y a un doigt dans la bouche. C'est un bonheur universel. Uniforme universel, uni-pneu. Uni-pneu? Uni-pneu? Non, ben, c'est un autre mot qui commence par uni. Université, j'aurais pu dire. Oui. Oui, il y aurait peut-être eu plus un lien. J'avais mon pneu en tête. Coudonc, bon. Ils ont quoi dire d'autre? Ben tiens, comment t'appelles ça le gars qui fait de l'épée? D'escrime? Un escriminel. Un épéiste. Un escriminel. Un escriminel. J'aime ça. Bon, voilà pour la chronique de Maxime Bessuy, ciné-télé. On te retrouve la semaine prochaine pour une dernière chronique. Oui. Mes derniers moments québécois avec vous sur C'est fou. Est-ce que tu vas pratiquer ton accent québécois pour nous le faire la semaine prochaine? Ah, ben, je peux te la faire un peu maintenant. Là. Ah, ouais. On voit un petit peu de. Ouais, mais quand, ça passe-tu? Ça a du potentiel. Ah, c'est pas pire. C'est pas pire que ça. C'est pas pire, c'est correct. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à 8h. Hey, pas si pire que ça quand même. Il y a de la. J'haïs pas ça. C'est gras. C'est très gras. C'est sale. C'est la musique de fille. De fille sale? Ouais. Dirty girl. Dirty. Merci beaucoup, Stéphanie Paradis, d'avoir co-animé avec moi toute la semaine ou presque. Hey, ça m'a fait vraiment plaisir. Puis, à peut-être dans 9 mois. Dans 9 mois pour un autre bébé. François, c'est ça. Fais un autre bébé. C'était les meilleurs moments d'Assemblage Hockey pour la semaine du 10 décembre 2012, mettant en vedette Stéphanie Paradis et moi-même, Mathieu Plante. Évidemment, François-Olivier Marchand va revenir éventuellement. Éventuellement. Reprendre sa place. Parce qu'il revient. C'est normalement agressif. Moi, ouais, c'est comme ça. comme si t'étais obligé de la reprendre avant. C'est ça. OK. Bon. Comme un employeur doit reprendre une femme qui est allée en congé de maternité. Hein? Ben voilà. Voilà. Mais non, on l'attend, on l'aime. C'est François-Olivier. F.O. Foam. Foam Party! Le Foam Party! Oh mon Dieu, je sais pas où est-ce que ça s'en va, ça. Je sais pas, c'est pas grave. Donc, écoutez-nous du lundi au jeudi entre 7h et 9h. C'est la dernière semaine de la session, la semaine prochaine. Donc, Oui! Ben, la semaine prochaine. Étant la semaine du 17 décembre, pour être le plus générique possible. J'abuse du mot générique de ces temps-ci, mais j'aime ça. C'est correct. Je suis retourné au palmarès. Ça. OK. Du côté de Lefebvre, la position numéro 11 est Plague par Crystal Castles. C'est stable. Mais tout d'abord, on va l'écouter de Noël avec Beltane au numéro 11. Hausse de 5. Surprise! Je le dis. Est-ce que j'ai déjà dit qu'on sent Beltane jamais? Sûrement, j'ai déjà fait ça. Sûrement. Probable. Bosquet des sorcières. Je veux revoir ton doux visage, tes yeux de parc, couleur d'orage. Laisse-moi te voir, la belle dame, écouter ta voix océane, murmurer des villes d'Irlande dans ta clairière de Procellion. Dans la forêt où le fond de drame, tout près du lac de la dame. Je veux dormir tout contre toi, avec un seul dolmen pour toi. Viens réchauffer tes allumines, rêve du brasier de l'homme truide. Écoutez les incantations de ta lycienne breton. Reviens avec moi, Marouika, faisons remettre les rites anciens. Changeons les messes en sabbat et le vivant comme des sylvains.

d'entendre Crystal Castles et Plague, stable en 11e position anglophone. Alors ça, du côté franco, c'était Noem avec Beltane qui monte de 5 places. C'était bien bon. Ben oui. Tu me demandais juste avant qu'on revienne si on faisait la section ailleurs dans les palmarès avec ben ce oui. Parce que tu pars dans une demi-heure environ. Je m'en vais. Là? Ben, les parties de Noël, non. Il est 55. Mais t'avais déjà défait tes feuilles en morceaux, puis déchiré, puis tout frappé. C'était pour une raison. Comme si t'avais hâte de partir. Autre. Non, c'est pas pour ça, du tout. T'es bien mieux, là, parce que là, j'ai entendu parler de ça, tu sais. Je sais pas si tu savais, il y a comme un sommet, là, quelque chose là, qui se passe à Trois-Rivières, le sommet. Comme ça, je suis pas au courant, comment mais je sais que les toilettes sont toutes changées. Exactement. Mais moi, j'ai entendu à travers les branches, les journalistes sont tous là et parlent du fait que les palmarès, c'est fou, c'est seulement top 20 francophones, top 20 anglophones. Mais voyons, c'est qui ces journalistes-là? Ils sont là avec leur micro, ils sont sur le bord de la porte, puis ils font, tu sais, les top 20 francophones, puis anglophones, c'est la seule affaire qu'il y a. Je suis sûr que c'est la seule affaire qu'il y a. Moi, je leur dis non! C'est aussi un top 30 des albums, un top 3 des disques canadiens, un top 10 électronique et un top 10 loud. Commençons par les nouvelles entrées du top 30 des albums. Tiens, il y en a une seule en 20e place, c'est Hey Rosetta, qu'on a entendu au début de l'émission avec Cup of Kindness Yet. Et pour le top 3 des albums du top 30, ça fait beaucoup de top logique, en avant. Au numéro 3, on a Grizzly Bear avec Shield. Au numéro 2, on a Hunter Valentine avec Collide Conquer. Et au numéro 1, on a Diamond Rings de Free Dimensional. Mm-hmm. Ensuite, dans le top 3 des disques canadiens, en 3e, c'est White Horse avec The Fate of the World Depends on This Kiss. En 2e, ça monte de 4, Hunter Valentine avec Collide Conquer. Et en 1e, c'est encore une fois Diamond Rings Free Dimensional qui monte de 2 places. Top 10 électronique, il n'y a pas de nouvelles entrées, donc le top 3. Le top 3, on a Maserati avec Maserati 7. Oui, 7. 7. V-I-I. Au numéro 2, on a Bio Bazar avec Obokenek Tabarouette. Moi, puis les noms de ces trucs-là. Et au numéro 1, on a Ojob avec New World March. New World March de Remixes. Oh yeah! Qui était au numéro 1, donc c'est stable. Ben, le top au complet est stable, mais il se passe pas grand-chose en électronique. On le dit à chaque fois. Dans le top 10 loud, pas de nouvelles entrées, donc je vais faire le top 3. En 3e, c'est l'ancien numéro 1, Nal Natrak avec Vanitas. En 2e, ça monte de 2, The Sword avec Apocryphon. Et en 1e, ça monte d'une place 4e semaine de présence pour Tigers of Pantang et l'album Ambush. Voilà pour ce qui se passe et ailleurs voilà. Dans les palmarès. Les journalistes vont pouvoir dormir heureux en ayant su la vérité. Un bon scoop. Par rapport au scoop des palmarès, c'est fou. Top 10 maintenant, c'est là qu'on entre dans les palmarès, c'est fou, dans le top 10. Côté anglophone, c'est Run With The Kittens avec Weight Of The World qui descend de 3 places. Mais tout d'abord, on va aller voir la chute de Chinatown avec Cassez-moi la tête qui a baissé de 5 places. Pas la chute, là. Non, la chute. C'est pas sûr. Tabarouille. Et... L'esprit dérangé de Mathieu. C'est les palmarès, c'est fou. C'est ce que ça veut dire, c'est des synonymes, ça. Je suis agité en jaquette sur une roche. êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Numéro 10. Run with the Kittens et Weight of the World, position numéro 10, ça descend de 3 places. Et juste avant, on a entendu Chinatown avec Cassez-moi la tête, qui a fait une baisse de 5 places, maintenant numéro 10. Je pense qu'on serait dû pour faire un petit bloc de 4 pièces ensemble. Oh là là! Oh, on s'en permet toutes les choses. L'indice de Axis et Young Rival plus tard, mais on débute en position numéro 9, Franco. En position numéro 9, Franco, avec Kit Kuna et Batiscan, qui est pas très loin d'ici. C'est une belle hausse, puisqu'il était au numéro 14 la semaine dernière. Est-ce que c'est aussi déprimant que la pièce, la ville? Non, c'est très beau. Il y a une très belle vue sur le fleuve. Un magnifique café bistrot qui s'appelle le H2O. Ça vaut vraiment la peine. Oh, quand même! Hashtag H2O. Hashtag H2O. J'essaie d'expliquer le Twitter c'est à Mme Carignan. C'est pas évident. Je comprends pas beaucoup ça, moi. Non, c'est pas évident. Pas évident. Mais on va se le dire, là. C'est pas évident. Suivez les palmarès, c'est fou, qui, en tant que tel, ont encore des informations qui datent de vraiment longtemps. Je pense que ça dit encore qu'on est genre le mercredi. Je sais pas. Mais bon, c'est palmarès, c'est fou. Si je me rappelle bien. Et voilà. Mais c'est cross-posté sur le Facebook, fait que suivez le Facebook. T'sais. Ça fait la même chose. Tout au palmarès, c'est fou. Mais ça, vous l'avez compris, hashtag. Papa, je te parle pas trop souvent. Je suis dans mes affaires, puis je cours tout le temps. Tu sais bien que je suis pas fort ces prières, sauf quand je suis dans marde ou trop content. Papa, je le sais pas si tu veilles, pis je le sais pas si tu m'entends. Disons qu'à soir j'ai le cœur dans bouteille, pis le moton qui passe pas frein.

truth about an uneventful youth, though you could get that rap from someone else. And I could make an observation if you want the voice of the generation, but I'm too self-absorbed to give it clout. And I don't really care about anybody else when I haven't got my own life figured out. 'Cause when you're young and bored and 24 and don't know you, I know, but there's no hope and it's hard to come of age. I think it's a problem, does it ever go away? I know I am so self-obsessed, I guess, but there's no hope and I hope it's just a phase. I'll have room, uh-oh. Find it in the charm of an English station, but wouldn't that be cheap and ill-informed? And I could bet you don't believe me if I said it came from deep within me, but I promise you I'm telling you the truth. And I don't really care about anybody else when I haven't got my own life figured out. 'Cause when you're 24, and trying to be someone I would rather not be. I tried to second guess if you would be approving. I find my life ever so moving, came wide-eyed and unassuming. Oh, okay. There is no hope, and there's desperately no hope, and there's definitely no hope if you don't believe me. Oh, yeah. There is no hope, and there's desperately no hope. The Vaccines et No Hope, c'est lancé numéro 1 du côté anglophone, maintenant en position numéro 8. Et juste avant, on a entendu l'indice avec Que faire du bruit au numéro 8, une petite baisse de 2 places. On a aussi entendu les positions numéro 9 en anglophone, Young Rival et Black Popcorn. Et on a débuté ce bloc musical avec Keith Kuna et Batiscan. Mm-hmm, ça avait l'air sérieux, ça. Et Batiscan! Ben, c'est une chanson très sérieuse. Ben, tout à fait, donc faut dire sérieusement. T'as bien raison, il y a de l'humour là-dedans. Hey. Moi, je reste... Je sais pas, là. Tu restes, moi, je reste dans le thème. Ah, ben, t'as bien raison. Mais je reste pas à l'émission, par exemple. Non, tu t'en vas. Tu sacs ton camp à Batiscan. Les parties de Noël commencent là. Ah, ben, c'est pas à Batiscan, c'est, j'imagine, à Trois-Gorges. Ouais, mais en fait, c'est dans l'université. Oh, ben, ça sera pas trop loin de marche, hein, et amuse-toi. Ben, merci beaucoup. Nous, on va rester pour une troisième heure avec, entre autres, la musique de Karim Ouellet, La descente du coude de Black Party Stars et Damien Robitaille. Aussi savoir qui sont nos nouveaux numéro 1, en tout cas au moins du côté francophone, parce que du côté anglophone, ah ben non, aussi. Ouais, mais j'ai quand même l'impression que du côté francophone, c'est pas le même numéro 1 que la semaine passée. Moi, je dis ça de même. T'es comme une devine, toi, là? Ben, oui. Oui, une devine enrobée d'un mystère. Et... une devine. À la semaine prochaine, Alexandra? Oui, je vais être là la semaine prochaine. Bon, en retard, mais là. Ah, bah, non, on me prend quand t'es là. Bah, pas toi. Hey, reste là, c'est les palmarès, c'est fou. Ciao, ciao. À tout de suite. C'est fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Des palmarès, c'est fou pour la semaine du 10 décembre. Ah, encore une fois, période du 10 décembre 2012 au 6 janvier 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Vous le savez, vous l'avez entendu tantôt. Alexandra nous a quitté pour le reste de l'émission, mais c'est pas grave. Il nous reste le top 7 à entendre. Et on va faire un petit bloc 3 quarts. Je vous ai dit qu'on n'allait pas sauter beaucoup de pièces dans l'émission d'aujourd'hui. Ça reste toujours le cas. On a sauté une jusqu'à maintenant et on va en sauter une autre, malheureusement, parce qu'elle est très longue. C'est East Road en 7e position anglophone. C'est October Road. Elle dure comme 7 minutes presque. On va entendre par contre Karim Ouellet et Block Party. On va débuter en 7e position francophone. Voici la descente du coude et généalogie. On aime ça. Faut pas mal assez fou. D'avance, alors tu gardes ce que tu penses pour toi. Pile ou

C'était la pièce Kettling de Block Party, position numéro 6, qui monte de la 19e place et qui est la nouvelle à ce qui est passé. Avant ça, on a entendu en franco Carré Moilaté, L'Amour, qui, elle, monte aussi de la 19e place. Ben, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Les deux pièces se suivent, ça n'a même pas l'allure. Avant, on a entendu La Descente du Coude avec Généalogie, qui montait de la 12e place, maintenant en 16e franco. Et on a sauté par-dessus la formation locale qu'on adore, mais leur pièce est longue. Ils sont avec October Road, qui descend de 5 places. Maintenant, un autre bloc de 4, hein, parce que le temps file et on veut que ça rentre dans notre superbe case horaire. On l'adore donc, hein? Tous les insérés jours de diffusion et insérés heures de diffusion ici. Non, c'est les jeudis à 15h, les vendredis à 17h, les lundis en après-midi. Mettons 14h. On y va avec les positions 4 et 5. Le plus tard, Yann Pelletier... Ça, c'était 5, là. Position 50. donc, Yann Perrault, White Horse et Stars, mais on débute avec Damien Robitaille. C'est l'ancien numéro 2. Voici ta maman Mamadou. Au palmarès, c'est fou. Ah, c'est fou. Trois rimes. Deux qui étaient un peu la même, mais trois rimes quand même. Ta maman Mamadou et ton papa s'en fout. Ta maman Mamadou et puis ton papa s'en fout. Hey, devine qui j'ai vu ce soir quand j'ai fait un tour au bar. Au milieu d'une sac comble, celle qui te mise au monde. Autrement dit, c'était ta mère qui démontrait son savoir-faire. Elle bougeait son bassin pour elle, pas de lendemain. Comme si elle avait 20 ans de moins. Ses yeux qui brillaient dans le noir lui donnaient l'allure d'une cougar. Et elle me fixait comme sa proie. Qu'il voulait me dire, tente ta chance avec une femme d'expérience. Ou bien, viens nous vivre une aventure avec une femme d'âge mûr. Contre mon corps, s'est collé et dans l'oreille me chuchoter des mots si doux, des mots si tendres. Tu feras tellement un bon gendre. Elle me montrait ta photo. Calling on the back lines, climbing from the bottom to the other side.

White Horse Devil's Got a Gun, c'est la quatrième position, ça monte de 11 places et c'est déjà là depuis 9 semaines. On l'aurait sauté, mais Caroline est dans le top 5, tu sais. Tellement bonne. Pourquoi sauter ça? Ça part pas. Avant ça, du côté franco, on a entendu Yann Perrault et l'ancien numéro 1, Acrobat de l'éternité. On a aussi écouté les cinquièmes en anglo. Oui, faisons une liaison qui a de l'allure. Stars avec Backlines, qui est stable. Et Damien Robitaille, l'ancienne deuxième avec Ta Maman Mamadou. On va aller aux troisième place maintenant du côté anglo, ça monte de 7. Yet Again, The Grizzly Bear, mais on débute avec Tremblay qui lui monte de 17 places. Rien mieux. C'est le nom de la pièce. Voici Tremblay. C'est pas celle-là, par contre. Je veux pas te dire quoi faire, là, mais c'est pas celle-là. C'est celle-là qui se met à chanter aussitôt que tu mets le doigt dans la bouche. On l'a entendu plus tôt dans l'émission. Running Gag, tu sais. Est-ce que. C'est-tu ça? Aïe, ok, excuse-moi, là, mais tu fais vraiment pas le travail correctement, là. C'est quoi cette manie-là qu'on a de courir après ceux qui s'en vont? Chaque sourire a besoin de son chat, sinon les deux tournent en rond. Mais moi, j'ai rien trouvé mieux que ton sourire qui s'éparpille. J'ai rien trouvé mieux. T'es plus qu'un one night, t'es plus qu'un rebound. T'es un jab sur ma tête qui met à terre au premier round. Tu me dis que tu m'aimes pas, que tu te sens bien dans le célibat. Tu sais trouver les mots pour faire tomber les cœurs. Tu me parles de lui, de l'autre, du seul à qui te dit oui. Tu me parles de moi aussi. Tu me trouves beau, tu me trouves drôle. Je te trouve belle dans ta robe, sans ta robe, tes épaules qui font danser les cœurs. J'ai rien trouvé mieux que ton sourire qui s'éparpille. J'ai rien trouvé mieux que ton corps qui se déshabille. J'ai rien trouvé mieux. J'suis juste ton one night, au mieux ton rebound. Quand j'étais avec toi, j'me sens comme un produit, j'essaie de me vendre. Tu te saoules de plaisir, tu

Bear et Yet Again, position numéro 3. Ça monte de 7 places. C'est la pièce qu'on sait jamais quand elle va finir. Avant ça, en franco, c'était Tremblay qui monte de 17. Rien de mieux sur l'album Ça va, ça va. C'est le deuxième extrait de cet album-là. Et c'est bon. Bon. Deuxième position maintenant, c'est là qu'on est rendu. En anglophone, Hunter Valentine et Liar Liar qui montent de 4 places. Mais moi, je vous suggère d'écouter en deuxième position, qui monte de 5, l'atterrissage d'Atomic Baobab. Parle-moi de piano, calme-moi le piano, comme dans le bon vieux temps. C'est des palmarès assez fous pour 89 FM. Die. keep my mind straight, keep my mind straight. I keep my mind straight, keep my mind straight. I keep my mind straight, keep my mind straight over you. Andrew Valentine et Liar Liar montent de 4 places en deuxième anglo. Avant ça, c'était Atomic Baobab et L'Atterrissage qui, elle, monte de 5 places sur l'album Le Viewmaster. Voilà pour les numéros 2. Il nous reste seulement les numéros 1, ce qui veut dire, ben oui, vous le savez, ça veut dire les mauvais jeux de mots. Les positions numéro 1. Faudrait pas manquer ça, quand même, parce que là, la semaine passée, je l'ai pas fait. T'sais. Et depuis ce temps-là, on était trop pressé la semaine passée, donc je me suis vraiment exercé la bouche, la langue, le cerveau pour trouver les choses les plus créatives possibles à la création. C'est ce que je fais, moi. Il n'y a pas juste une ou deux petites affaires que je suis capable d'accorder dans ma vie. Hein? Trois. D'accord. Trois accords, on est d'accord là-dessus. C'est peut-être juste moi qui comprends le jeu de mots aussi. T'sais, des fois, il faut que je les surexplique. Et quand tu expliques une blague un petit peu trop longtemps, c'est bien plate un petit peu. Mais ça, encore une fois, c'est peut-être juste moi. Hein? Je pourrais mériter toutes les sortes de prix du monde. Je sais pas, ça pourrait être des bagues, des diamants ou des bagues de diamants. Diamond Rings. Hein? Diamond Rings avec I'm Just Me, du côté anglophone. Et on débute avec les trois accords. Exercice. Tout arrêt. Sur ce banc nous est interdit. Il est fait pour ceux qui le regardent vu d'ici. Ce trottoir fut conçu spécifiquement pour pouvoir s'y promener sans s'arrêter devant. J'aimerais tant t'entendre les voix. position. Thank you. Diamond Rings et I'm Just Me, position numéro 1, qui monte de deux places. C'est rare qu'on dit position numéro 1, mais tu sais, c'est une position. Avant ça, on a entendu les trois accords et exercices qui montent de trois places. Ça, c'est le fun, hein, quand ça te cille les oreilles comme ça, ben, c'est la fin de la pièce. Voilà pour les numéros 1. Ben, d'habitude, je ferai un petit récapitulatif, mais on a encore le temps, donc tu sais, je voulais rester avec vous un petit peu plus longtemps. Je vais quand même le faire là, rapidement. Tremblay est en troisième avec Rien de mieux. Deuxième, Atomic Baobab, Atterrissage. Et première, les trois accords, exercice. Content de le fun en troisième, c'est Yet Again de Grizzly Bear. Deuxième, Liar Liar de Hunter Valentine. Et on vient d'entendre I'm Just Me de Diamond Rings en première place. Voilà. On va retourner en arrière un petit peu, hein, parce que en début d'émission, je m'étais dit, bon, c'est pour être sécur dans mes affaires, on va sauter deux pièces et finalement on a le temps. Donc on y va tout de suite avec Peter Peter Carousel qui descend à la 17e place. C'était anciennement la 8e position. Donc là, voici Peter Peter au 89 FM. C'est fou. Qu'on avait raté plus tôt dans l'émission, c'est-à-dire Peter Peter avec Carousel qui descend de la 8e à la 17e position francophone. Et c'est là-dessus que va se terminer cette édition des Palmarès C'est fou. On se retrouve en direct jeudi prochain entre 15h et 18h à 19h. Soyez là pour 13e étage, émission d'électro jazz éclectique. Puis à 21h, c'est électro tactile avec Lisa Gauthier. On repasse le vendredi entre 17h et 20h. Skypunka s'en vient avec le camarade Burr. quelques minutes. Et puis après ça, le lundi, entre 14h et 17h, restez là parce qu'à 18h, ce sera la dernière de la saison du Boudoir avec Alexandra Carignan et Mélissa Beaupré. D'ailleurs, je remercie Alexandra Carignan pour sa présence à l'émission aujourd'hui. Et puis, vous, évidemment, d'avoir été à l'écoute. Les petits palmiers, là. On va se quitter avec une autre pièce qu'on a sautée, c'est-à-dire la 7e position anglophone, East Road et October Road, qui descend de la 2e place. Le temps de vous dire que la semaine prochaine, eh ben, ce sera la grosse rétrospective. C'était fou en 2012, donc soyez à l'écoute dans notre case horaire du jeudi et du vendredi. Puis un paquet de fois pendant les fêtes, donc pour la rétrospective, c'était fou en 2012. Ben moi, c'est Mathieu Plante. Hein? Enchanté de vous connaître. À la prochaine fois. Et puis allez voir le cif.fr pour la programmation complète et assemblagerocky.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. East Road, October Road, tout de suite. Bye bye! Some good music will drive all night and feel what's magic. Hit a road to the East Coast and take the ferry to Magdalene Island. The October Road. October Road.